Je circule sur une chaussée à sens unique, séparée par un terre-plein central constitué de glissières de sécurité. La vitesse maximale autorisée sur ce type de route est généralement fixée à 110 km/h. Mais, pour passer de 110 km/h à 50 km/h, des panneaux de limitation de vitesse dégressive sont implantés avant l'entrée d'agglomération. Ici, je rentre à Port-de-Bouc, et en l'absence d'indication contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A et D.